sinistre ligne. Plus de solitaires sur les mers, plus de sable dans le désert. Les gens se foutent de vous.